Vous tous qui êtes à l'écoute de la radio scolaire Nderagakura, bienvenue dans cette édition du 16 janvier 2017, dont voici le sommaire. Ouverture prochaine à l'université d'Omoharo d'une formation académique en master. L'annonce est du recteur de cette université. C'était ce samedi lors de la remise officielle des diplômes au lauréat de la 12e promotion. L'école d'excellence du lycée de Rusengo enregistre de bons résultats durant ce premier trimestre 2016-2017. Selon le préfet des études de cette école, 10 élèves sur 27 ont obtenu plus de 70% en 7e et la moyenne de la classe s'élève à 69,16%. Le secteur de l'hôtellerie est en crise au Burundi car en 2012, 300 hôtels ont été construits sans tenir compte de la loi de l'offre et de la demande. L'avis est du directeur de l'Office du tourisme que vous entendrez dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue encore une fois. L'université d'Omoharo compte ouvrir la formation académique de niveau master très bientôt dans le but de mettre en œuvre la réforme de l'éducation. Le recteur de cette université, Emmanuel Wanzuwaze, l'a dit ce samedi lors de la remise officielle des diplômes au lauréat de la 12e promotion. Emmanuel Wanzuwaze demande aux lauréats de différentes universités qui remplissent les conditions d'accéder à la formation en master de se faire inscrire à cette université pour continuer leurs études. Au niveau de la formation, il y a d'abord la mise en place du second palier d'enseignement qui est le BMD, où nous sommes en train de voir comment mettre en place le master en nutrition et le master en santé de la reproduction. Il y a également donc la diversification d'autres filières de formation, notamment la filière de santé animale, la filière de foresterie et environnement, où l'université de Moharo va implanter ces deux filières dans la commune de Gisozi. Il y a également, donc, également l'université a des perspectives pour plutôt organiser les filières professionnelles afin de participer dans la formation des lauréats des écoles secondaires qui ne parviennent pas à avoir 50% dans l'examen d'État. L'université offre une formation de qualité qui permet aux lauréats même de se prendre en charge après les formations. Donc pour les lauréats de l'Université de Moharo, il y en a même ceux qui ont déjà créé leur propre emploi grâce aux compétences qu'ils ont acquises ici à l'université. Radio Scolaire Nderagakura, poursuivons avec cette édition. Sur 27 élèves de 7e de l'école d'excellence du lycée Rusengo en province de Ruigi, 10 ont obtenu plus de 70% aux examens du premier trimestre 2016-2017, au moment où la moyenne de la classe est évaluée à 69,16%. Selon le préfet des études de cette école, Mélance Nikowili, ces résultats satisfaisants sont l'œuvre du niveau assez élevé des élèves et des enseignants suffisamment qualifiés. Nous sommes satisfaits des résultats que nous avons eus dans cette classe de 7e qui est la classe d'excellence. Si j'essaie de vous montrer comment ces résultats se présentent, je vous dirai d'abord que cette année-ci, nous avons eu une moyenne de la classe qui est de 69,16%, alors que dans les années antérieures, on avait une moyenne qui était entre 52, 53, 55. Si on regarde le taux de réussite, je dirais que il est de 100% parce que aucun élève n'a une moyenne inférieure à 50%. Nous avons sur les 27 élèves que nous avons, 10 ont plus de 70% et 26 sur 27 ont plus de 55%. Je vous dirais que même si on fait une visite de classe et qu'on regarde comment ces élèves suivent les professeurs qui leur donnent des cours, nous voyons que ce sont des élèves qui sont très dynamiques, qui suivent avec une attention particulière, qui posent des questions, qui affichent une compréhension nette de la matière. Et je dirais que nous sommes contents d'abord du comportement de ces enfants et nous sommes aussi contents des résultats que nous avons enregistrés. Envie d'améliorer ces résultats, Mélance Nikowili invite ses élèves à fréquenter souvent la bibliothèque pour la lecture et le résumé des livres et aux enseignants de doubler d'efforts dans leur exploitation de la matière à dispenser. Suivez encore une fois Mélance Nikowili, il est préfet des études au lycée Rusengo. La première stratégie que nous avons déjà adoptée doit les aider à hausser le niveau de compréhension du français qui est la langue d'enseignement. Nous leur demandons de lire des romans et que à la fin du mois et à la fin du trimestre, ils puissent donner des résumés des livres qu'ils ont lus et cela les aide à hausser le degré de compréhension. Nous leur suivons très particulièrement au niveau des visites de crèche. Leur demandons aussi de fréquenter souvent la bibliothèque. Nous leur avons donné des enseignants qui ont une qualification universitaire, qui peuvent les aider réellement et efficacement dans les matières qu'ils enseignent. Nous demandons alors à ces professeurs de suivre de près et d'une façon particulière à ces élèves pour qu'ils puissent bien faire comprendre ces enfants la matière. Et nous voyons que nous pourrons vraiment pouvoir amener ces élèves à avoir un bagage très consistant et qu'ils pourront réellement affronter les examens même externes qui pourront être organisés surtout en SGM. La crise que connaît actuellement le secteur de l'hôtellerie au Burundi date de 2012 puisque plus de 300 hôtels ont été construits sans tenir compte de la loi de l'offre et de la demande. C'est l'observation faite par le directeur de l'Office du tourisme, Leonidas Habonimana, au moment où certains pensent que ce secteur a été touché par la crise qu'a connu le Burundi en avril 2015. Leonidas Habonimana indique que les Burundais doivent montrer la vraie image de leur pays pour accroître les recettes provenant du tourisme. Je voudrais sincèrement le dire sur base d'une étude qui a été faite par la Banque mondiale en 2016, qui montre réellement que le secteur du tourisme a été le secteur le plus affecté par la crise, suivi par le secteur du transport. On dit que le secteur du tourisme a été affecté à 50,5%. Cependant, beaucoup de gens croient que cette crise est celle qui a affecté ce secteur. Mais je pense que c'est à tort, dans la mesure où l'affaiblissement ou les difficultés du secteur hôtelier remontent à 2012, puisque beaucoup d'hôtels ont été construits, plus de 300, sans action concomitante pour mobiliser les touristes à venir au Burundi. L'offre hôtelière étant supérieure à la demande des touristes, ces établissements ne pouvaient qu'être en difficulté. Mais cela a été constaté en 2015, en 2016. Je vais saisir cette opportunité pour dire, si nous voulons réellement voir les recettes provenant du secteur du tourisme s'améliorer et s'accroître comme dans d'autres pays, le Burundais doit changer son langage vis-à-vis de son pays. Nous devons envoyer des messages positifs sur le Burundi pour récolter les fruits de ce langage-là, ce qui manque. Dernier élément de cette édition, les Burundais n'ont pas une culture de faire le commerce, ce qui fait qu'il y a des commerçants qui imitent les autres en matière des produits qu'ils commercialisent. Ce sont les propos du porte-parole du ministère des Finances, Désiré Mouchalitze, qui demande à l'agence de promotion des investissements API de sensibiliser les commerçants afin qu'ils puissent asseoir une mentalité commerciale performante dans leurs activités. Le travail qui est mené, c'est justement de changer la mentalité burundaise de pouvoir faire le copier-coller. Quelqu'un installe une petite boutique à côté où il vend du lait. Au lieu que quelqu'un d'autre puisse peut-être amener du jus, il amène la même boutique à côté. Donc nous pensons que c'est un problème d'ouverture des Burundais dans le commerce. Et vous savez que vous et moi qui sommes à Bujumbura, il y a tout un quartier qu'on appelle le quartier asiatique, quartier industriel. Dans les temps anciens, ce sont les Asiatiques qui devraient faire le commerce. Donc le Burundais vraiment n'est pas vraiment habitué à faire le business. C'est pourquoi vraiment il faut vraiment toute une éducation en matière de commerce. C'est sur cette voie du porte-parole du ministère des Finances, Désiré Moucharitze, que nous bouclons cette édition. Jean-Claude Habimana a assuré la mise en onde à la présentation. Vous étiez avec Epima Kibamboneyeho. Bonne journée de travail.